Bonjour à tous et bienvenue sur Les Projets du Web, le podcast audio qui parle de l'actualité des projets et innovations du web. Nous sommes le mercredi 15 septembre 2010 et c'est l'épisode numéro 16. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 16e épisode des Projets du Web, le premier épisode de la saison 2 du podcast. Oui, ça fait pas tout à fait un an qu'on a commencé, mais presque. Et donc, comme à l'habitude, maintenant, je suis accompagné des meilleurs podcasteurs francophones de la toile. J'ai nommé Lucas et William. Comment allez-vous ? Ça va bien, et toi ? Surtout après le bel honneur que tu viens de me faire. Ah, et là, je m'y étais mis à fond, là. Donc... Bon, avant de lancer le cœur de l'émission, je voudrais quand même signaler qu'aujourd'hui, on enregistre dans des conditions un peu différentes que d'habitude, puisque on est en live avec une petite chatroom. Et pour être franc, cette émission risque bien d'être la première qu'on va enregistrer sans aucune interruption, enfin du moins on l'espère. Donc grande première pour nous, j'espère que le contenu ne sera pas affaibli ou quoi que ce soit, parce que ça va être un peu difficile pour nous. Pas mal de choses à gérer en plus, le live et tout ça. Donc on espère que le rendu sera tout aussi bien. Donc sans plus attendre, on va directement entrer dans le cœur de l'émission. Donc c'est parti pour la section projet. Alors moi je vais... En fait c'est William et Lucas qui vont vous parler de Google qui a sorti plein de petites nouveautés. Donc William, Google Call je crois, c'est quoi ? Ouais, Google Call, donc c'est un petit service qui a été intégré à Gmail, qui va vous permettre d'utiliser le Google Talk, que peut-être certains d'entre vous utilisent, mais la particularité c'est qu'on va en fait utiliser donc, le PC pour appeler sur les téléphones fixes. Donc ça je l'attendais depuis très longtemps. Bon, le problème en fait, il y a un petit défaut quand même, c'est que c'est disponible qu'aux États-Unis. Donc ça c'est un petit peu embêtant, mais le service c'est... des retours qu'on a pu avoir est très bon niveau qualité sonore, c'est voire même mieux que, en fait, que Skype. Mm-hmm. La voix elle est plus claire et on a des appels qui sont à 0,02$ par minute pour, donc des États-Unis pour aller sur tout ce qui est France, Chine, Japon, Allemagne. Donc c'est des trucs, c'est super quoi. Aucune différence vraiment... entre les pays au niveau des prix, c'est les mêmes pour n'importe quel pays. Alors là les 0,02 que je t'ai dit dollars par minute, c'est pour ces pays-là. Pour l'instant ils sont, c'est pas encore implémenté partout. Mais ça monte jusqu'à, je crois, 0,18 centimes de dollars. Donc d'accord, les prix sont franchement très abordables. Ouais. Qualité donc sonore plutôt bonne. Et du coup, c'est intégré dans Gmail. Donc on installe un petit plugin pour Chrome ou pour Firefox. Ouais, donc là, ceux qui sont dans la chatroom peuvent voir la page où vous pouvez installer le plugin pour l'ajouter à Gmail. Excuse-moi, William, tu continues. Il n'y a pas de souci. Et voilà, tout simplement. On en a peut-être aussi un petit peu parlé, c'est lié à Google Voice en fait. Google Voice qui est un service en fait, c'est un seul numéro qu'on choisit et qui va rassembler tous ces numéros en dessous, c'est-à-dire le portable, le boulot, la maison, et on a un seul numéro qui va rediriger sur chacun des téléphones. Et donc tout ça, ça va être lié ensemble et je pense que quand ça va arriver en Europe, ça va être super. Moi j'utilise ça en tout cas. Je préfère ça à Skype. Mais d'ailleurs il y a une petite manipulation pour pouvoir l'utiliser, je crois une ou deux minutes pour le tester en tout cas. Il te propose un crédit de 10 centimes en fait. Il t'offre 10 centimes pour tous les comptes Gmail. Donc du coup tu peux les utiliser, mais le problème c'est que nous on peut pas les recharger derrière. On a 10 centimes pour essayer, mais tester, moi tu vois j'ai pas envie de gaspiller mes 10 centimes parce que je pourrais pas rajouter dessus après. Ok. Voilà, donc ça c'est dans Gmail. Et encore une autre chose dans Gmail que Lucas voulait nous parler. Ouais, donc je vais vous parler de la boîte de réception prioritaire, pour tous ceux qui utilisent, qui ont dû la voir. Donc c'est une boîte de réception qui nous permet de placer un peu nos mails automatiquement. Donc d'un côté, on va avoir les mails que Google considère comme prioritaires, plus importants, et de l'autre côté, les mails plus habituels. Alors j'ai vu sur Lucas, je crois qu'il va falloir que tu fermes The Pirate Bay parce qu'on t'entend absolument pas. Ah ouais. J'ai rien d'ouvert. Je vais couper le lecteur, on va voir. Ouais, parce que des trucs pas très bien à côté. Ouais, c'est pas forcément très clean. Tant mieux. Enfin bon, donc voilà, Google, boîte de réception prioritaire en bêta. Donc je ne sais pas si vous avez bien compris ce que disait Lucas, parce que moi j'ai eu un peu de mal. En gros, ça vous permet, à l'équivalent du spam qui est trié automatiquement quand ça arrive dans votre boîte, ça fait l'équivalent, mais en inverse, les mails qui sont considérés comme prioritaires, donc qui viennent par exemple de vos autres contacts Gmail ou ceux que vous lisez régulièrement, que vous ne mettez pas à la poubelle directement, apparaissent dans une boîte en plus qui est nommée boîte prioritaire. Ça vous permet de les lire plus rapidement et de faire c'est trié par Google avant même que vous ayez à les lire. C'est assez intéressant. William, je crois, je ne sais pas si tu l'as utilisé. Oui, j'ai utilisé un petit peu au début et j'étais assez étonné. C'est vrai qu'elle est, en tout cas pour moi, elle a bien ciblé mon utilisation, disons, c'est-à-dire un peu tout ce qui était newsletter, il a essayé de... Enfin, c'était pas prioritaire, il a mis... Alors, je sais pas s'il recherche, tu sais, certains mots, des fois, dans les en-têtes, ouais, dans les sujets. Tous ces newsletters, il était donc un petit peu en dessous. Enfin, je trouve qu'il correspondait plutôt bien à ce que je voulais, en fait, à mettre en priorité. Mm-hmm. Par contre, c'est vrai que le petit côté... moi, ma boîte, il y a très peu de mails, en fait, qui arrivent dessus. Donc, je pense que pour moi, par contre, je pense le désactiver, parce que... Bah, je sais pas, je reçois quoi, 2-3 mails par jour, donc je suis pas submergé, donc ouais. je me retrouve facilement en fait dans mes mails, donc. Ok, ouais, c'est vrai que dans le fond, c'est vraiment pour ceux qui ont un flux de mails important et qui du coup veulent faire un tri encore plus. Ouais, c'est ça, c'est complètement du tri, quoi. Vraiment. Voilà, mais c'est le principe, c'est exactement le principe du spam finalement, sauf en inversé, quoi. C'est ça vous permet de sélectionner ceux qui sont intéressants avant même que vous le fassiez, et vous pouvez en plus l'aider à mieux faire la sélection par vous-même en définissant pour vous ce qui est prioritaire ou non, et du coup comme au même titre que le spam, à la fin il finit par s'adapter et à faire des choix encore mieux s'il ne l'est pas, enfin la pertinence s'améliore en fait. Donc voilà, ça c'est la boîte de réception prioritaire. Je vais juste voir, est-ce que Lucas tu es revenu? Ouais, je suis là. Et je sais pas si tu m'entends comme chaud. Oui, ou pas. J'essaie de changer de box Wi-Fi. Ouais, c'est mieux. Plusieurs à dispo, mais. C'est mieux, c'est mieux. Donc, je me suis permis de finir ta news. Ouais, j'ai entendu. Je vous ai pas lâché du tout. Par contre, j'ai juste rajouté un truc par rapport à moi, comment je l'ai vécu en fait. C'est. Ouais, moi en fait, un peu comme Will, en fait, j'ai pas beaucoup de mails, disons, sales. Donc la plupart de mes mails est dans les prioritaires, mais par contre, tout ce qui était les mails qui venaient de la part de Twitter ou des sites pas importants, tout de suite, il me les a mis dans le côté pas prioritaire directement. En fait, je pense qu'il s'habituait que les mails dont les auteurs je supprimais tout de suite, il me les a mis tout de suite en pas prioritaire. Et pour ça, ça marche plutôt bien. Donc même si je reçois pas beaucoup de mails, je pense que je vais la garder quand même. Ouais, c'est vrai que la sélection est quand même à l'origine pas mal faite. Donc voilà, donc ça c'est les deux petites nouveautés de chez Google, directement intégrées à Gmail. Donc moi je vais vous parler de Balloon. Donc Balloon, qu'est-ce que c'est ? Déjà un point plutôt important de ce projet, c'est qu'il nous vient pour une fois d'une start-up française. Et oui, donc les Français peuvent encore innover, tout ne sort pas de la Silicon Valley ou du Japon ou de je ne sais où. Donc Balloon, c'est un outil web clé en main, destiné aux conférences et événements en public. Et donc, le but est de faire remonter les questions et les remarques du public aux intervenants lorsqu'on fait donc une conférence. Donc, je m'explique. En règle générale, si vous faites des conférences, enfin, c'est un public, donc la taille du public importe peu, mais en début de conférence, en général, vous leur indiquez sous quelle forme vous souhaitez qu'ils vous posent leurs questions. Donc, soit vous leur dites... Par exemple, si vous ne comprenez pas, vous pouvez m'interrompre à tout moment, ou merci de garder vos questions jusqu'à la fin pour que je puisse y répondre. Donc ça, c'est différent suivant les personnes. Mais en gros, Balloon, il intervient à ce moment-là puisqu'il vous propose en fait un outil collaboratif complètement basé sur le web qui permet aux personnes donc présentes dans le public d'envoyer via leur ordinateur, téléphone, tablette et autres supports leurs questions. Qui seront donc reçus directement sur l'ordinateur, en général celui qui héberge la présentation. Et donc, à tout moment, la personne qui fait la présentation reçoit toutes les interrogations du public et il peut ainsi répondre au moment voulu en fonction des questions posées et de l'importance des questions. Donc en plus de ça, l'outil, il intègre beaucoup de spécificités parce que finalement, ça aurait très bien pu être fait avec, avec Twitter et des hashtags ou enfin, l'outil en soi, basique, n'apporte pas grand-chose. Mais là où il devient intéressant, selon moi, c'est que, par exemple, déjà, il ne requiert pas d'inscription. Donc c'est un point important. Et les gens n'ont qu'à installer qu'à aller sur le site ou à installer l'application iPhone par exemple qui existe. Et du coup c'est quand même plus rapide à utiliser et plus simple à mettre en place sur un public important. Et ensuite une gestion des spams, enfin des messages qui sortent du contexte. Donc tout ça c'est automatisé par Balloon. Donc si des messages n'ont pas de raison d'être là, ils sont automatiquement triés. Ensuite un système de vote, donc les autres personnes du public peuvent promouvoir, si je puis dire, les questions des autres. S'il y a vraiment des questions importantes à poser, ils peuvent pousser une question et du coup la personne qui fait la présentation peut se rendre compte qu'une question est la même pour beaucoup de gens et que du coup il peut faire peut-être une pause dans sa présentation pour y répondre avant de continuer. Donc voilà en gros le principe, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué. Est-ce que William ou Lucas, vous avez des interrogations sur ce produit? Est-ce que vous avez regardé un peu? Non, moi franchement, j'ai pas eu le temps trop de regarder, donc j'ai pas vraiment regardé celui-là. J'ai regardé ce que j'ai trouvé, j'ai regardé, mais pas ça. D'accord. Et William? Je vais t'avouer que j'ai suivi le chemin de Lucas sur celui-ci. Mais du coup, par rapport à ce que je vous ai présenté, est-ce que vous pensez que ça peut être un outil intéressant, par exemple? Ouais, mais en fait, c'est sur la centralisation qui est pas mal, en fait, mm-hmm. si je comprends bien. Parce que du coup, c'est vrai que tu n'as pas besoin de t'inscrire. Je vois que tu as aussi l'application iPhone, donc ça te permet vraiment de l'emporter le truc avec toi tout le temps. Exactement. Ça, c'est pas mal, quoi. Et je vois qu'ils ont pas mal de partenaires aussi assez réputés, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Je vois Canal+, L'Oréal, Sciences Po. Donc, c'est quelque chose qui a l'air de vraiment marcher, d'être reconnu. C'est vrai. Et alors, par contre, effectivement, c'est ce que eux ont tendance à dire. Ça s'adapte quand même plus particulièrement aux conférences de taille plutôt importante, parce que finalement, ouais. les conférences en petits groupes, on n'a pas forcément besoin d'un tel outil, parce que l'intérêt est faible et la question peut se poser directement ou on peut attendre la fin de la conférence. Après, je pense que pour des conférences importantes, surtout que finalement, au début, je m'étais posé la question, est-ce que ça ne fait pas le public est constamment le nez collé à son iPhone ou son ordinateur et du coup, il n'y a plus d'interaction. Mais quand on regarde, finalement, il suffit de regarder, bon, je vais faire mon fanboy, mais une keynote d'Apple, on se rend compte que 90% des gens sont derrière leur Mac, en l'occurrence, ou leur iPhone. Et la conférence se déroule bien, ils continuent à suivre le contenu quand même. Donc je pense qu'un outil comme ça peut être intéressant pour un certain type de conférence. Donc à suivre, en plus c'est français, ça a le mérite d'exister. Donc voilà, il faudra continuer à le suivre selon moi. Voilà, donc c'est le site, c'est www.balloonup.com. Donc je suis sur le site pour ceux qui sont dans la chatroom et qui nous regardent en live. Donc bon, j'ai un peu de mal à gérer en même temps les sites en même temps qu'on parle. Donc il faudra me le rappeler si vous voyez que j'oublie de changer les sites. Mais voilà, balloonup.com. Le design est en plus assez épuré, assez sympa. Donc voilà, allez y jeter un petit coup d'œil. Lucas, tu vas nous parler d'une news toute fraîche maintenant. Ouais, donc j'ai vu ce matin que Twitter a annoncé leur future nouvelle interface. Mmh. Et je suis complètement emballé. Donc en fait, l'interface, comment ça va se passer? On va voir sur la gauche, on va voir la timeline classique. Et à chaque fois qu'on clique sur un tweet, sur la droite, il va nous ouvrir une nouvelle colonne qui va nous présenter en fait tout simplement les informations relatives à ce tweet et au compte du tweet. Et s'il y a besoin, il va nous présenter, montrer les photos, une carte pour la géoloc, les vidéos, photos et tout. Et moi, j'ai vraiment accroché à l'interface sur mon site, par exemple. Mais le seul défaut, c'est qu'en fait, sur le site web, donc, moi, en fait, c'est le dernier truc qui me rebute. Parce que sur le site, il n'y aura pas d'application, je pense. Et puis, le fait d'être sur le site web, ça m'arrive souvent de fermer Chrome sans faire attention et tout. Donc, ça me fermerait tout. C'est un truc que j'aime. Donc, l'équivalent en application, finalement, te plairait plus? Bah, complètement. S'ils sortent la même chose, je suis prêt à passer sur Twitter officiel directement. Non. Et lâcher TweetDeck pour le coup. Donc ouais, finalement, ça revient vachement à la conversation qu'on avait eue sur l'épisode précédent, si je ne me trompe pas, sur le fait que Twitter, finalement, a pris toutes les nouveautés que les clients avaient apportées d'ici là et en a fait son propre outil directement à même le site et à travers ses clients, en plus, maintenant qu'ils deviennent officiels sur les différents supports mobiles. Donc voilà, Twitter commence à remanger tous les petits clients Twitter non officiels, si on peut dire. Moi, ça ne me plaît pas forcément, mais en tout cas, au moins, ça existe. Et je pense que l'intérêt pourrait être pour les nouveaux utilisateurs. Parce que finalement, quand on commence à utiliser Twitter, l'utilisation d'un client arrive par la suite. Mais pour les nouveaux utilisateurs qui arrivent directement sur Twitter... avoir toute cette mise en page, cette interface directement, je pense que ça pourrait être intéressant et ça leur permettra pas mal de choses. William, une petite chose à ajouter là-dessus? Bah, t'as pile dit ce que je voulais dire. En fait, mon petit argument, c'est pour les nouveaux qui arrivent, parce que c'est vrai que l'interface Twitter web, soyons honnêtes, elle est pas très jolie, enfin elle est pas très elle est basique, quoi, assez basique. Les options, c'est pas très pratique, on sait pas trop quand on reçoit un DM. Il faut la rafraîchir à chaque fois, donc c'est vrai que là-dessus c'était pas terrible. Il fallait au moins quelque chose d'officiel, comme ça quand les gens vont sur twitter.com, bah voilà, ils ont quelque chose qui a de la gueule entre guillemets, quoi. Donc ça, c'était pas mal. Mais par contre, je rejoins Lucas, c'est vrai que j'aimerais le voir sur une application. Le Twitter pour iPhone, c'est basiquement le Tweety qui était avant, ils ont quasiment pas changé grand chose. Et c'est vrai qu'une intégration un petit peu dans ce style là alors peut-être que l'écran est trop petit, je sais pas. Mais plus comme dans la vidéo, un peu plus interactif, avec des aperçus de vidéo et tout, ça serait vraiment super. C'est vrai. Et du coup, ça arrive. Je crois qu'il y a un petit temps de... ça arrivera à différents moments, suivant les comptes Twitter. Ouais. C'est activé, en fait, au fur et à mesure. C'est comme pour les anciens services de liste ou de RT officiel. Voilà, exactement. Si vous vous souvenez un petit peu. Je ne sais pas sous combien de temps ça va se répandre, mais d'ici peu, vous verrez peut-être votre Twitter migrer vers cette nouvelle version. Voilà. On va passer à la section ActuTips parce que c'est maintenant fini pour les projets. Alors, je vais commencer avec une petite actu, enfin c'est même un tips en fait. Donc pour les maniaques de l'identité numérique comme moi, je vais vous parler d'un outil pour encore mieux gérer son identité numérique. En gros, ce Fake Name Generator, c'est son petit nom, vous permet de créer une fausse identité numérique. Donc c'est très simple, vous choisissez le sexe, la nationalité que vous désirez, et le type de nom en fonction de la nationalité. Alors en fait, c'est un peu particulier, c'est parce qu'ils considèrent que par exemple Paul ou Jacques seront des noms un peu plus français et voilà, et du coup c'est dans Name Set, donc la deuxième sélection à faire, vous avez le nom en fonction de la nationalité. Donc voilà, vous avez ces trois champs là à renseigner. Vous cliquez simplement sur Generate. Et là, il vous affiche, comment dire, c'est une identité complète et unique. Enfin, du moins, je le pense. Je ne sais pas si c'est unique, si c'est généré aléatoirement et si ça peut réarriver pour d'autres personnes. Mais ensuite, donc, vous avez la possibilité, par exemple, de réserver le nom de domaine en fonction du nom créé, ainsi que l'adresse email perso en fonction du nom. Et donc voilà, vous avez une identité numérique toute neuve que vous pouvez utiliser, avec laquelle vous pouvez faire tout ce que vous voulez, comme aller vous inscrire sur tous les sites les plus sombres de la toile, en affichant sans scrupule votre nom et votre prénom, et c'est plutôt agréable. Enfin, il vous donne même un petit mot de passe à mettre avec, automatiquement généré. Vous avez tout, un numéro de visa, une date d'anniversaire, vous avez absolument tout. Donc très utile pour ceux qui veulent aller traîner dans les bas-fonds du web. Donc fakenamegenerator.com. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ça? Est-ce que vous l'utiliseriez? Ouais. Oh. Et pourquoi donc? J'adore ces trucs-là en fait, parce que moi j'utilise beaucoup d'identités en fait sur le web, Camfis étant l'une d'entre elles. Et là par exemple, j'ai mis un petit random américain pour et puis United States. Mmh. Et là, du coup, tu vois, je m'appelle Christopher R. Smith. Et tu vois, mais en fait, ce qui est énorme, c'est que tu as vraiment en fait tout... tout directement de près, parce que souvent moi ce que je me disais c'est bon, alors un nom, faut que je me trouve une adresse. Alors généralement je prenais l'Apple Store sur la 5e avenue à New York, il est super celui-là. et voilà, mais il fallait toujours, tu vois, se trouver des infos. Là t'as quelque chose en fait de tout près, et des choses qu'on penserait pas, par exemple la Mastercard, des choses comme ça. Ouais. William, je viens de... je vais profiter qu'on l'ait perdu pour dire ce que j'en pense. Eh ben exactement. Ouais. Bah moi, enfin, je pense pas, enfin, je vois, j'ai pas l'intérêt du tout de ce genre de site. Ouais. Mais après, dans le principe, c'est, je trouve ça un peu flippant quand même, quoi, parce que ça donne vraiment énormément d'infos. Et je me demande si ça peut pas tomber justement sur des infos qui correspondent à une personne qui existe vraiment. Et donc, en fonction de ce qu'on fait avec, donner du tort à ces personnes-là. Quoi. À la limite, le nom prénom peuvent peut-être correspondre, mais avant que le nom prénom adresse numéro de téléphone. Ouais, tout, ouais non mais. Et puis une combinaison de nom et prénom, ça c'est possible quoi, et ça existe et c'est pas spécialement un problème. Après, pour que ça corresponde avec le numéro de téléphone et tout ce qui suit. Tout d'un coup, c'est pas possible, mais. Mais par exemple, rien que le numéro de téléphone, ça se trouve, c'est le numéro de téléphone de quelqu'un qui existe vraiment. Si on le donne sur un peu n'importe quel site. C'est vrai que dans le fond, j'en ai absolument aucune idée, mais c'est vrai que pour le numéro de téléphone, par exemple, de même. Bon, pour le numéro Visa aussi. Numéro Visa, oui, dans le fond, c'est possible, mais il y a une plus petite probabilité, je pense, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de chiffres. Ouais. Voilà, il y a même je viens de voir ça, le métier apparemment. Ouais, donc, excusez-moi pour la déco. Il y a aucun problème, on a comblé sans souci. Parce que j'ai juste entendu, tu disais pour les noms, par exemple là il te propose, tu vois, une adresse email, et en fait il te dit que c'est une vraie adresse email que tu peux utiliser si tu veux, et tu peux cliquer et il va t'amener l'utiliser. Bon, on le voit pour ceux qui sont sur le chat, on le voit sur la cam. Et donc c'est des choses, tu peux entre guillemets t'approprier cette identité. Voilà. Et donc oui, effectivement, quand vous cliquez pour s'approprier l'adresse email, ça vous emmène sur le site fakemailgenerator.com, qui est en fait de la même compagnie, je suppose. Enfin oui, en fait c'est même confirmé. Part of the Fake Name Generator Project. Et du coup, vous pouvez utiliser l'adresse email qui correspond à votre nom et prénom généré. Donc voilà, très intéressant. William, t'avais fini ou plus ou moins ce que tu souhaitais dire ? Oui, je pense que vous êtes bien débrouillé sans moi. C'était bien. Ok, bon, c'est tout pour ce superbe petit projet. William, tu vas enchaîner avec YouTube et un petit outil pour utiliser YouTube un peu différemment ? Bah ouais, tout à fait. C'est une petite astuce, mais qui va être mise en... comment dire, un petit peu comme une interface graphique, si vous voulez, pour une ligne de commande. C'est-à-dire qu'il y avait une petite combine en fait à rajouter derrière les adresses YouTube pour pouvoir lancer la vidéo directement à un moment précis. Par exemple, typiquement, on a la vidéo d'un chat qui va tomber d'une chaise ou d'un tabouret, et ça va se passer à 45 secondes. Donc on aimerait bien voir juste cette partie-là et pas tout ce qui se passe avant. Et donc là, YouTube Time, il va permettre ça. Donc on met l'URL de sa petite vidéo YouTube, on choisit les minutes, les secondes, et hop, voilà, c'est bon. On n'a plus qu'à copier le lien et l'envoyer à toutes les personnes qu'on a besoin. Donc ça, c'est très très très très pratique, parce qu'on a souvent qu'une partie de la vidéo qui nous intéresse, ou alors on a vraiment 10 minutes au début de rien du tout. Ou pour les vidéos très très longues, si vous voulez juste montrer un passage, c'est effectivement très très intéressant. Après, je sais pas si par exemple tu postes cette vidéo sur un site comme Facebook, si au lancement de la vidéo il se lance après, je pense pas. Alors, je sais pas comment Facebook fait, s'il redirige bêtement le sur du lien YouTube ou s'il l'intègre, je sais pas comment. Parce que quand YouTube l'intègre, elle démarre au début, mais je sais pas si justement quand tu fais une intégration avec un lien de ce type là, si elle démarre à l'endroit voulu. Il faudra tester. On vous le dira l'épisode prochain, je pense. YouTube Time. Autre chose à rajouter, William ? Non, c'était parfait. Bah, juste pour rajouter un truc, c'est quoi en fait qu'est-ce qu'il rajoute juste au bout de l'URL ? Elle lit pour justement pouvoir se passer du site. Alors pour les un petit peu les hardcore. En fait, à la fin d'une vidéo YouTube, vous pouvez écrire dièse T, et vous écrivez égal, donc là ensuite les minutes, alors vous écrivez je sais pas par exemple 5 minutes, donc 0,5, 2 points et après les secondes, donc 0,0 et S en minuscule. Et donc en fait quand vous inscrivez ça à la fin d'une vidéo YouTube, bah, vous aurez un petit peu le même effet qu'en passant par ce site, sauf que vous le mettrez un petit peu plus manuellement pour ceux qui aiment bien se passer de boîte de site tout simplement. Pour la chatroom qui m'a regardé, je viens de faire quelque chose d'absolument nul, mais bon, je suis désolé. Il faut que tu mettes un vrai lien, je pense. Ouais. Non, j'ai essayé, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Donc, ouais, je voulais voir en fait si pour le côté Facebook, mais de toute manière, je ne serais pas allé sur mon compte Facebook. Lucas, tu vas nous parler des adresses mail jetables. Voilà, exactement. Donc là, dernièrement, j'ai repéré deux sites pour les adresses mail jetables. Alors, qu'est-ce qu'une adresse mail jetable ? C'est tout simplement en fait une fausse adresse mail qui va recevoir tous vos mails que vous ne souhaitez pas, mais que vous avez besoin sur un laps de temps court. Par exemple, si vous inscrivez sur un forum, souvent il y a besoin de valider un lien pour dire c'est bien moi, je suis bien humain. Mais après, souvent, on ne veut pas que les liens soient récupérés ou recevoir d'autres mails. Mais ça permet de s'inscrire sans problème, légalement et tout, et sans avoir tous les côtés indésirables à côté. Donc j'en ai repéré deux pour l'instant, c'est jetable.org et yopmail.com. Alors les deux ont quelques petites différences. Un truc sur jetable.org, c'est qu'on choisit carrément son adresse, quelle adresse on va utiliser, toutes les adresses sont disponibles apparemment, si j'ai bien compris. Et donc en fait, les adresses sont déjà toutes créées. Et après, sur Yopmail... Ah, petite vérification en live. Oui. J'ai pas trop l'habitude de tout faire d'un coup en fait. Non, sur Yopmail, saisissez le mail jetable de votre choix, vérifiez les emails. Ouais, non, bah là. En fait, les deux marchent de la même manière en fait. Il me semblait qu'il y avait une différence, mais les deux marchent plus ou moins de la même manière finalement. Mais du donc coup. Après, c'est au choix de. On est d'accord qu'aucun mot de passe et rien n'est associé à cette adresse email ? Normalement, rien n'est associé à ces adresses. D'accord. Donc, n'importe qui, s'il trouve cette adresse mail jetable, peut vérifier les mails qui sont envoyés dessus. Voilà. En fait, pour Yopmail, oui, mais pour jetable.org, il faut l'associer à son compte, son vrai compte mail, pour recevoir. On choisit le. Sur jetable.org, d'accord. Quand vous allez sur la page d'accueil, je vais mettre le lien sur la chatroom. Je leur montre aussi en même temps. Donc effectivement, vous choisissez aussi la durée de validité de votre adresse email. Voilà, et en fait, c'est pendant le temps qu'on va recevoir les mails sur notre vraie boîte mail, en utilisant un alias. En fait, quand on va rentrer une fausse adresse mail, il va nous donner un alias. Et là, en fait, cet alias, on va l'utiliser pour s'inscrire sur un site, et on recevra les mails pendant la durée de validité choisie sur notre véritable adresse. Et c'est plutôt pas mal, au moins ça nous évite de devoir aller justement sur un autre site pour récupérer les liens, etc. Donc tout ça, c'est dans notre vague des outils pour mieux gérer son identité numérique, donc pour tous les gros maniaques comme nous finalement. Ouais. Donc voilà. Oui, William, j'ai cru comprendre que tu voulais dire quelque chose. Oui, monsieur Mathieu. En fait, ça me fait penser aux choses. Alors, je l'ai jamais. Je ne crois pas l'avoir vu dans Gmail, ce service-là, mais à l'époque de Yahoo, mon Dieu, ça remonte. Wow. Il y avait les alias, justement, en fait, dans les boîtes mail, et qui permettaient de... donc, on avait son adresse principale, et puis c'était une sorte de sous-adresse qu'on pouvait, entre guillemets, supprimer à tout moment, et qui permettait, en fait, de donner son adresse à tout le monde. Et puis, le jour où on l'enlève, tous les spams, etc., hop, ils n'arrivent plus sur ta boîte. Donc, c'était un petit peu le même principe qu'il y avait à l'époque. Ouais. Donc voilà, tout simplement. C'est vrai que donc tout ça c'est plutôt intéressant. Après, ça fait encore de la gestion de c'est un peu du temps à prendre pour à chaque fois faire raccorder. Pour les gros utilisateurs de mail. Ouais. Mais bon, enfin voilà, donc c'est intéressant en tout cas. Et il y en a plusieurs. Il y a jetable.org, Yopmail, et je suis sûr qu'on peut en trouver d'autres sur la toile. Oui, à une époque j'en utilisais un autre, mais je me rappelle plus le nom. Ouais, de toute manière, on vous donnera juste sûrement dans les prochaines émissions, peut-être des liens comme ça de temps en temps si on en retrouve des nouveaux. Will, un site qui donne un max d'infos. Will. Oui, alors attends. Redis-moi ça. Tu devais nous parler d'un site qui donne un max d'infos sur n'importe quelle photo. Oui, d'accord, attends pour moi. Parce qu'en fait, j'ai pas mis dans le bon ordre. Voilà. Alors, le site s'appelle, alors je ne sais pas comment on le prononce, regex.info. Tu le montreras en même temps aussi dans la chatroom. Ouais, ouais. Et donc, en fait, on peut uploader une image ou prendre directement l'adresse URL. Uploader ? Upload ? Ok, bah, non. Il n'y a pas de problème, continue. Excuse-moi. Et donc, il marche avec un très, très, très gros paquet d'extensions. Donc, ce n'est pas un problème là-dessus. Et en fait, ce qui est assez hallucinant, c'est la capacité en fait, à lire les tags. Parce qu'en fait, quand on prend une photo avec n'importe quel appareil, et plus particulièrement avec les téléphones, eh bien, en fait, il y a énormément de choses qui sont stockées sur la photo, et qu'on ne se rend pas compte. Déjà, il y a la géolocalisation pour la plupart des smartphones qui ont un GPS, donc la plupart des choses sous Android, sous iPhone. Donc, ces choses-là. Donc, ça, on peut le régler par contre. Toutes les photos qu'on prend ne sont pas. On peut, il y a des petites options où on peut, mais c'est un petit peu caché quand même, hein, mine de rien. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut désactiver ça, mais par défaut c'est activé. Et donc ce site-là en fait va nous dire, mais toutes les informations, les réglages, est-ce qu'il y avait le flash, est-ce qu'il y avait la luminosité à fond, enfin il y a vraiment, c'est hallucinant avec le modèle. Donc là par exemple moi j'ai vu sur des images, ça venait d'un iPhone 3GS, il me donnait les couleurs, est-ce qu'elles ont été saturées, enfin. Alors ça dépend quand même de l'image que tu utilises. Je viens de faire un test en live avec une superbe image, l'une des premières qui tombe sur Google. Donc j'espère qu'on ne sera pas censuré, mais bon. Il n'y a absolument pas le nom de l'appareil photo, mais d'un côté. Non, mais ça c'est une image qui a été retouchée en fait. Voilà. Pour ça aussi. Alors après voilà, c'est que il va lire les tags à la manière d'un MP3, donc c'est-à-dire que si on supprime, on nettoie un petit peu les tags, enfin. En gros, on fait un petit peu de ménage, ça va enlever déjà pas mal de choses, quoi. C'est un petit peu comme les MP3, quoi. On peut mettre une petite jaquette, ce genre de choses, mais puis si on en a un petit peu marre, on enlève tout, quoi. Sauf que c'est vrai que c'est vachement plus caché dans les images et on y a très peu accès finalement. Et personne ne sait qu'on trimballe autant d'infos avec une image. Le premier, j'ai vraiment été étonné quand j'avais testé avec une photo. Il m'avait tout de suite dit que ça venait de la webcam, là, de mon ordi et tout. Et j'étais franchement impressionné. J'ai essayé avec une photo de données. C'était une photo qui a été prise avec un reflex, ça me donnait le nom de l'appareil photo, le degré d'ouverture, tout plein de cas. Ouais, c'est des réglages que je savais même pas qui étaient possibles, quoi. C'est vraiment assez stupéfiant. Impressionnant. Donc ouais, c'est vrai que pour retracer des images, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, l'adresse c'est regex.info/exif.cgi. Donc vous le retrouverez sur le site. Et puis bon, pour les gens qui sont en live, vous le voyez affiché sur l'écran. Voilà, donc Lucas, un petit tableau. Ah oui, donc moi je vais vous parler d'une table périodique. Des balises HTML. Donc ça se présente comme la table des périodiques des éléments que tous les bons chimistes connaissent. Mais là, celle-là nous présente en fait toutes, je pense pas qu'il y a toutes, mais les plus utilisées balises HTML qui sont réparties selon des catégories, des couleurs. Si on clique sur une, ils vont nous expliquer à quoi ça sert. Et le petit plus que j'ai trouvé sympa, c'est que si on rentre une URL en haut, il y a un petit champ pour entrer l'URL, il va nous dire chaque balise combien de fois elle est utilisée, tout simplement. Donc là, par exemple, je vais faire le test avec google.com. Ouais, pour la chatroom, je fais le test avec lesprojetsduweb.fr. Donc là, par exemple, pour google.com, on voit que la balise A, qui nous sert à faire un hyperlink, donc un lien, a été utilisée 30 fois. Voilà, donc on l'utilise plus sur les projets du web. Quel site ? Sur les projets du web, on l'utilise 213 fois. Juste pour info. Ah ouais, c'est sympa. Quand google.com, la page de base, il n'y a pas grand chose affiché, c'est pour ça. C'est vrai. Mais donc c'est sympa, quoi. Je pense, pour les programmeurs, on voit plutôt qu'aller fouiller dans le code source et tout. Là, on peut voir tout de suite les balises les plus utilisées. Et c'est sympa. Après, à garder sous la main pour ceux qui codent un minimum, quoi. Mais pas beaucoup. Les gros codeurs n'en auront pas besoin. Voilà, c'est ça. Je pense qu'un vrai programmeur n'y trouvera pas forcément d'intérêt. Après, pour ceux qui s'intéressent un peu, qui commencent à coder tout ça, qui veulent voir pour les différents sites un peu la structure et quelles sont les balises importantes et bien utilisées sur les sites qu'ils connaissent et qu'ils aiment bien, c'est toujours intéressant de savoir ça. Et puis grâce aux couleurs, en fait, c'est vachement visuel, donc après, c'est bien pour s'y retrouver et tout quand on débute, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je sais que moi, je vais le garder de côté. Ouais, il y a même des... Ouais, pardon. Il y a un petit truc en fait que j'ai trouvé pas mal aussi à côté de ça en fait, c'est pour savoir quand est-ce qu'un site va utiliser les balises audio et vidéo de l'HTML5. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Mm-hmm. Et la plupart du temps, bon, les sites vont utiliser Flash pour le contenu multimédia. Mais c'est vrai que là, ça peut être aussi un bon moyen pour savoir est-ce que sur cette ce site, sur cette page, plutôt en particulier, est-ce qu'ils vont utiliser cette balise, etc. Ça peut être intéressant de savoir d'ailleurs. Enfin, pour se passer de Flash, voilà. Oui, tout bêtement. C'est vrai que malheureusement, les projets du web n'utilisent pas audio. C'est vrai. Comme balise. Vrai. Je vais peut-être y remédier très bientôt, une fois que les problèmes de l'hébergement seront réglés. Voilà. Donc, c'est tout pour regex.info. Ouais, pour moi, ouais. Non, d'ailleurs, on est absolument plus sur regex.info. Je dis n'importe quoi. Voilà, oui, là, je devais dire l'adresse. C'est joshduck.com/periodic-table.html. Enfin, le lien sera encore une fois dans les notes de l'émission. Alors, moi, je vais vous parler de deux nouveaux joujoux. Enfin non, de deux nouveaux joujoux qui viennent de faire leur apparition chez Google. Donc le premier, c'est plutôt particulier parce qu'en fait, j'ai toujours pas compris l'intérêt. Et enfin, même je crois que William et Lucas, avec qui j'en ai parlé, n'ont pas saisi non plus. Ah si, moi j'ai trouvé. Ah bon, bah tu nous le diras. Donc c'est plutôt amusant, malgré tout. Mais et peut-être que si certaines personnes, donc en plus de Lucas, y trouvent un intérêt, il faudrait nous le communiquer parce que moi, je serais intéressé justement de savoir quel intérêt ce site apporte. Donc ça s'appelle Google Scribe, ça vient tout droit du lab de chez Google, là où ils inventent des choses folles et qui parfois réussissent. En gros, comment expliquer ? Le principe, c'est que vous tapez un mot et automatiquement, Scribe va vous compléter la phrase, donc en vous proposant des différentes possibilités, mais en complétant quand même tout seul. Donc en fait, vous écrivez, il enchaîne la phrase de manière finalement logique, si on peut dire, même si ça n'est absolument pas ce dont vous pensiez à l'origine. La phrase se tient, c'est en anglais, et du coup, vous pouvez partir très très loin et continuer les phrases jusqu'à quasiment l'infini, tout en restant logique dans les propos. Le sens reste bon, mais après les phrases peuvent paraître ridicules à la relecture. Donc et William, quel intérêt ? Bah, c'est tout simplement pour finir tes phrases. C'est génial. Moi, je n'arrive jamais à terminer mes phrases ou parfois en faire. Eh oui. Eh bien là, par exemple, je viens de tester le MacBook Pro de Mathieu. J'appuie sur Tab, Ricardo Jordana. Et voilà, il me met discographie. Enfin, il fait une phrase. Et alors oui, des fois, le sens peut être un peu bizarre, mais c'est étonnamment bien foutu. Enfin, il arrive en fait à. Il va pas y avoir d'incohérence, disons, de grammaire en tout cas. Et ça, c'est déjà assez impressionnant. Et enfin, moi, j'étais assez bluffé par ce truc-là. Mais c'est vrai que c'est... Quand on regarde ça, on se dit mais à quoi ça sert quoi. Mais je pense que c'est vraiment dans l'idée de compléter des phrases. Il y a des fois on cherche un mot, on a vraiment du mal, ou un synonyme ou des conneries quoi. On sait pas comment tourner le truc, mm-hmm. ou des rimes peut-être. Enfin bref, et là voilà. Moi je trouve que c'est pas mal pour ça quoi. Alors c'est vrai que c'est un peu limité peut-être comme truc, mais en même temps c'est un truc de lab, donc c'est vrai que le lab on y met un peu tout ce qu'on veut. C'est le test, hein, c'est fait pour ça. Google Wave y était aussi à l'époque. Mm-hmm. Ouais. Donc voilà, moi je trouve que c'est un truc sympa. Voilà, on peut se faire des phrases franchement qui sont parfois assez sympas. Ouais. Alors, le seul intérêt que j'ai trouvé, c'est de rester sur Tab et voir ce qui me sort. C'est super. Il y a des fois, c'est pas mal. Je voudrais juste, en petit aparté, m'excuser pour la chatroom. Je viens de me rendre compte que j'avais malencontreusement appuyé sur une touche qui permettait de zoomer et du coup, depuis un petit moment. L'écran s'était bloqué en zoom et vous ne voyez, je pense, pas grand chose. Donc voilà, je m'excuse. C'est pas énormément de visible, mais tu visais quand même la bonne partie à chaque fois. Ah bon, bah c'est parfait, j'avais parfaitement zoomé. Ouais, bon, j'essaierai de plus faire ces problèmes dans les prochains lives parce que bon, c'est un peu, c'est vraiment nouveau pour nous, donc on espère que vous allez quand même apprécier. Ensuite, deuxième petite chose venant de chez Google, dont on avait commencé à parler finalement l'épisode dernier. Oui, c'est ça, l'épisode dernier. Donc c'est Google Instant. Finalement, le nom a été trouvé. Ils hésitaient entre Live Search, Stream Search, Instant, et donc finalement c'est Instant qui est sorti. Et donc c'est l'intégration de base dans le moteur de recherche de Google de cet outil. Donc je ne vais pas réexpliquer en gros ce que ça fait, mais vous n'avez simplement plus besoin de taper les requêtes et appuyer sur la touche recherche, puisque désormais Google actualise la recherche en fonction de l'avancement dans les termes que vous écrivez. Donc contrairement à ce que j'avais dit à l'épisode précédent, ça fonctionne bien, même très bien. Selon moi, il y a deux petits hicks par contre. Le premier, c'est que Google Instant n'aime pas le porno. Donc vous... Ça, c'est très grave. C'est oui, très très grave. Effectivement. Dès que c'est vous pas tapez... que le porno, c'est tous les mots un peu tordus. Voilà. Il arrête la recherche tout de suite. Exactement. J'ai testé avec tout simplement Pretty Pussy et il coupait la recherche directement après Pussy. Et pourquoi tu voulais chercher Pretty Pussy? Ouais, c'est parce que j'ai lu sur Twitter qu'apparemment ça marchait pas quand c'était MSFW. Donc j'ai testé avec un mot pour voir. D'accord. Et ça marchait pas. Voilà. Après, finalement, quand on y réfléchit, c'est vrai que dans le fond, on peut comprendre pour la protection, parce que finalement, quand on écrit Pretty Pussy, comme tu viens de le dire, parfois il y a des phrases qui peuvent choquer, par exemple, certaines personnes directement dans les résultats. Je comprends à la limite l'intérêt qu'ils ont eu de faire ça. Je comprends complètement qu'ils aient fait ça. Donc voilà, bon, c'était plus pour rigoler et ça a fait quand même un petit buzz. Donc voilà. Par contre, moi, quelque chose que je trouverais intéressant, c'est qu'ils l'intègrent directement à même la barre de recherche des navigateurs, principalement de Chrome ou Chromium d'ailleurs, parce que ça apporterait quand même encore un intérêt supérieur et ça leur permettrait d'avoir un peu une spécificité encore plus forte avec leur navigateur. Mais parce que finalement, quand on utilise, surtout sur Chrome, je pense que les utilisateurs utilisent beaucoup la barre d'URL finalement comme barre de recherche de temps en temps. Et du coup, ne passent plus du tout par le site. Et étant donné que ce n'est pas intégré dans cette barre, moi, le jour où Instant Search est arrivé, je m'en étais même pas rendu compte avant que je le voie apparaître dans mon flux RSS, parce que on l'utilise que très peu finalement, le site Google en tant que tel. Et je pense que ça pourrait être intéressant qu'il intègre à Chrome. Vous en pensez quoi, William et Lucas? Moi, j'ai beaucoup aimé en fait. Mais comme toi, en fait, j'étais la dernière fois qu'on en avait parlé il y a 2 semaines. Je pensais pas que ça irait aussi vite, que c'était possible. Finalement, si, ça va super vite, ça s'actualise après chaque mot. Ça marche plutôt bien, je trouvais ça sympa, en fait. Ça gêne pas dans les recherches classiques. Quand on fait des recherches, en fait, ça gêne pas, c'est vraiment un plus. Et ouais. C'est plutôt pas mal, j'ai bien aimé. Après, le truc, c'est que le bouton « J'ai de la chance » ne sert plus maintenant, finalement, à moins qu'on le désactive. Et comme toi, j'aimerais bien aussi que ce soit intégré directement dans la barre de recherche, par exemple de Google Chrome, parce que j'utilise Chrome aussi. Parce qu'on est d'accord que tu utilises, pour tes recherches, tu utilises directement la barre d'URL. Ouais, exactement. Mais maintenant, en fait, j'ai tendance à retourner sur le site Google juste pour voir le truc affiché et tout, parce que j'aime bien. Ouais. Alors, je vais faire mon chiant, en fait. Je vais faire comme vous, j'ai utilisé le même argument. Le bouton I'm feeling lucky, on ne va plus l'utiliser. Bah ouais, mais non. Parce qu'en fait, tu ne l'utilisais déjà pas. Enfin, si tu faisais ça logiquement, en fait, tu ouvrais un nouvel onglet et tu tapais directement ce que tu voulais. Et directement, il allait dans ton moteur de recherche le faire. Alors, bon, tu peux peut-être être un peu fou, utiliser Bing. Mais si tu utilisais Google, il va directement te le faire, en fait. Tu ne passes pas pour le site pour faire le « j'ai de la chance ». Donc, c'est un peu le même problème que tu avais avec ton Google Chrome avec la recherche qui se fait directement dedans, tu vois. Donc c'est vrai qu'en fait c'est bizarre parce que Google propose en fait des services vachement dans leur Chrome, ils essayent un petit peu d'harmoniser le tout, mais c'est vrai que d'un autre côté on passe plus sur le site. Alors s'il y a des choses, je vois que souvent ils mettent des petites pubs souvent sur le site français, d'ailleurs sur le US il n'y a pas tant que ça, c'est vrai. Notamment quand le Nexus One était sorti, il y avait un petit bandeau de pubs, ce genre de choses. C'est des choses qu'on ne voit plus du tout quand on utilise Chrome avec la barre. Et c'est vrai que j'ai ici la barre, c'est quand même pratique, je dois l'admettre. Ah là là. Déjà, il nous a fait une confession, il nous a dit que son premier ordinateur était un Mac. Bientôt, il va nous dire qu'il utilise Chromium depuis le début. Attention. C'est très grave ce que vous dites. Non, non, c'est vrai, ça a été prouvé. Enfin bon. J'ai le screen original, j'ai le screen des coups de paix que ta phrase, j'ai des preuves. Non, c'est une phrase sortie du contexte, s'il vous plaît. Pas du tout. Bon, enfin voilà. En tout cas, tu devras des explications, je pense, à pas mal de gens après l'épisode sur Chromium et surtout sur le Mac. Enfin bon, on va enchaîner avec le Tips Google. Non, moi, j'ai juste un dernier truc à rajouter là-dessus, en fait. Ça donne un truc. Déjà, en fait, ça m'étonne qu'ils aient fait ça, parce que finalement, en fait, le fait de recharger à chaque fois, ça doit leur bouffer à mort de bande passante. 5 fois plus de requêtes, apparemment, depuis que ça a été mis en place. C'est impressionnant. Et autre truc aussi, j'ai vu qu'en fait, il y a plein de petits sites qui ont ouvert pour faire le même principe. Donc ça existe avec YouTube. Ouais. Mais enfin, c'est les. J'ai vu ça dans le dernier épisode de Nip Tech Podcast. Mm-hmm. C'était yinstant.com, il me semble, le lien. Et j'ai vu aussi pour Wikipédia, Instant Wikipédia. Donc en fait, avec la recherche sur le truc pour YouTube, ça lance directement les vidéos YouTube au fur et à mesure des mots. Et pour Wikipédia, pareil, ça nous ouvre un article Wikipédia. YouTube, c'est compréhensible étant donné que ça reste Google. Derrière, oui, mais c'est pas développé par Google, c'est des mecs qui développent ça. Je suis d'accord, mais il y a le lien quand même derrière de l'entreprise. En revanche, je trouve ça beaucoup moins pertinent pour YouTube parce que c'est vrai que j'ai testé. Mais le problème, c'est que voilà, il va recharger, enfin les vidéos, charger une vidéo à chaque fois qu'on fait une recherche, c'est pas vraiment top quoi. Autant une recherche sur Google, Wikipédia, c'est bien parce que c'est justement ça va actualiser les articles. Oui, c'est pour s'en faire un petit peu sur le truc. Mais c'est vrai que ça fait un beau petit buzz. J'avais complètement oublié d'en parler. C'est vrai que merci, Lucas, de remémorer ça. Ça fait un petit buzz, ouais, un peu partout, le instant. Et tout le monde a essayé de le mettre. Mm-hmm. Mais par contre, pour revenir sur la charge serveur, tu vois, tu en avais un petit peu peur l'épisode précédent. Enfin, moi, je t'avais dit, lancer des fleurs à Google. Mais bon, ils ont leur propre serveur. Il y a de la ressource, limite, ça, c'est sûr que... Voilà, limite maintenant, ils fournissent aussi l'électricité qui font marcher leur propre serveur. Donc, ils fabriqueront les serveurs. Le truc intéressant, c'est de dire qu'il y a 5 fois plus de requêtes. Si je ne me trompe pas, ça veut juste dire qu'en moyenne, les gens font des requêtes de 5 mots. Oui, après, c'est puisque c'est actualisé à chaque mot. Puisque c'est actualisé à chaque mot. Ou sinon que les gens, du coup, utilisent plus Google. Mais De toute façon, pas de souci. Facebook est maintenant le site le plus utilisé, où les gens passent plus de temps. Mais oui, ce qui est quand même assez aberrant. Mais ça, c'est pas le cœur de notre émission. Voilà. Donc, Google Instant, en tout cas, ça fonctionne. Donc, toutes mes excuses pour avoir dit que je pensais que ça ne fonctionnerait pas. L'épisode précédent. On va passer tout de suite aux tips Google. Lucas. Et moi, je vais vous présenter donc, du coup, deux tips de Google, parce qu'on en avait préparé un, mais Will vient de me faire penser à un autre, là, avec le coup des 5 fois plus. Et en fait, j'ai vu sur un site que, en gros, pour avoir une recherche Google optimale, le mieux, c'était d'avoir 3 termes de recherche et non 5. En fait, 3, c'est le mieux. Donc, pour l'autre tips, c'est pour quand vous faites une recherche de plusieurs mots et vous avez oublié un mot, vous pouvez remplacer ce mot oublié par une étoile. En fait, c'est un joker comme sur les commandes Unix, pour ceux qui touchent un peu du terminal, ils doivent connaître. Donc, en fait, le principe, c'est que ça va faire une recherche avec les mots que vous avez écrits et tout n'importe quel autre mot qui peut aller à la suite. Et en fait, remplacer l'étoile, finalement. Je ne sais pas si c'est assez clair, si vous avez compris. Ah, tu viens de me faire quelque chose d'assez impressionnant. Il s'avère que l'étoile sur mon clavier était reliée à la commande pour afficher ma webcam. Et on vient de me voir en live. Oui, alors juste, je viens de voir que finalement, le joker a peu d'intérêt. Étant donné, j'ai tapé « il était un petit ». Il me propose navire en... Oui, alors, attention, Mathieu. En fait, moi, je sais que j'ai déjà eu des problèmes comme ça où je ne me souvenais plus et j'arrivais pas à retrouver le lien. Et en fait, ce n'est pas sur la fin, parce que la fin, il te la propose, donc ce n'est pas ça le problème. Ça. C'est quand tu as un truc au milieu, ou alors tu ne sais pas le début du truc. Et là, tu tapes et souvent, alors, généralement, ça marche, c'est pas... l'ordre des mots, disons, n'a pas d'importance. Mais parfois, quand c'est une expression, eh bien, si, quoi. C'est parce qu'il va chercher l'expression. Et si tu ne te souviens pas du début... Tac, t'es vraiment un peu dans la merde. Donc c'est pour ça que j'adore ce petit joker. Ouais, donc voilà, le petit joker de chez Google qui est assez sympa. C'est tout pour les tips Google? Ouais, je vais en garder pour la semaine prochaine quand même. Ok, ouais, on essaiera, enfin dans 2 semaines, hein, parce qu'on n'est pas encore à faire une Oui, émission pardon, dans toutes deux les semaines. semaines. ouais, donc ok, on va essayer de vous en faire jusqu'à. On en a en réserve là finalement, donc on en a pour un petit bout de temps. Voilà, donc je vais enchaîner avec des petites news sur le podcast en tant que tel. Si les jingles veulent bien se lancer. Donc, trois petites choses par rapport aux nouveautés de la version 2. La première, donc pour ceux qui sont dans la chatroom, ils s'en rendent compte, on fait des émissions en live désormais, donc tous les 15 jours. Maintenant, ça ne sera plus les premiers et 15 du mois, même si là, ça tombe juste. Le cave. Mais ça sera donc tous les 15 jours. Et du coup, on essaiera de faire le même type d'émission avec quelque chose en plus pour les gens qui nous regardent en live, c'est-à-dire ce que j'ai eu du mal à faire aujourd'hui, une présentation des sites en même temps que l'on parle et qu'on les explique en audio, donc en vidéo. Et accessoirement, vous pourrez voir ma tête si je me trompe sur les touches. Voilà. Ensuite. Vous avez le petit projet dont vous avez parlé sûrement sur Twitter, si je me trompe pas. Le même, j'avais fait un article dessus. En fait, ça s'appelle donc le social podcasting, comme je l'avais dit. C'est un système qui, en fait, va permettre de faire de l'archivage, en fait. Enfin, c'est un bien grand mot, mais de l'archivage. Oh, sympa. De l'archivage de nos news qu'on aura dit à travers les différents épisodes. Donc c'est déjà accessible depuis ce soir en fait sur le site. Vous avez dans la barre des menus social podcasting et en fait vous pouvez accéder suivant des thèmes, donc les acteurs de l'internet, entertainment, web 2.0, technologie web et mobilité. Vous pouvez voir tous les différents sites, projets dont on a parlé dans les anciennes émissions. Donc c'est classé par émission, c'est classé par thème. Vous pouvez aussi les rechercher directement avec le bouton recherche. Vous avez pas mal de possibilités. Ça vous permet d'avoir un peu voilà, une base de données des différents projets dont on a parlé. Et le côté social de la chose, c'est que non seulement c'est un archivage, mais vous pouvez aussi proposer vos propres projets, proposer des dossiers, l'ouverture de dossiers sur de nouveaux thèmes et tout ça, des news aussi. Donc dans les différents, ça fonctionne comme c'est basé sur un forum et voilà, vous pouvez nous proposer on essaiera donc d'en parler, de faire le tri et d'en parler dans les épisodes. Et du coup, ça nous permettra de communiquer et de vous faire un peu interagir encore plus. Et donc la troisième chose qui est toujours dans la mouvance sociale un peu communautaire, c'est on va essayer d'apporter plus d'intervenants dans nos émissions. Parce que j'essayais de le faire au début du podcast, donc il y a bientôt un an maintenant. J'arrivais encore à avoir le temps de faire des interviews et d'apporter des gens dans le podcast. Donc je vais essayer de recontacter. On va essayer de recontacter les gens pour pouvoir enfin reprendre cette activité d'interview et tout ça. Et donc si vous êtes intéressé pour nous présenter un de vos projets ou même pour venir dire des conneries, commenter d'autres projets, vous pouvez nous contacter. Oui, aussi ouverture de nos adresses mail @lpdw.fr. Donc voilà, donc c'est Mathieu, Camphis et Lucus voilà, lpdw.fr. Je pense que c'est tout. Est-ce que Lucas ou William, vous avez quelque chose à ajouter sur la version 2 du podcast? Moi, juste un truc pour là, le social post là. Pour le social podcasting, pour les dossiers, il manque quelques liens que j'ai pas réussi à intégrer. D'accord, Donc donc je vais vite le faire, mais voilà, c'est pas l'archivage, encore complet. c'est au niveau des derniers épisodes? Ouais, en fait, les dossiers que toi t'as pas remplis encore. Je ne sais pas les créer. D'accord, bon, je te montrerai. C'est le fonctionnement d'un forum, sinon, dans le principe, donc pour ceux qui veulent interagir. Et si vraiment vous avez des problèmes, je pourrais faire peut-être un tuto, ou je sais pas, j'en sais rien, on verra si ce n'est pas assez évident. Le principe, après la mise en page et tout ça, il faut considérer que ça reste une base de données de de nos différentes interventions et des projets qu'on a cités, on peut la porter sur n'importe quel système. Ça reste, c'est juste une base de données de centralisation des différents thèmes abordés dans les émissions. Donc, c'est... Ça fait une petite annuaire pour retrouver tous les sites qu'on a parlé, qu'on arrive un peu après, qu'on se dit « Ah tiens, ce site, il me servirait bien », plutôt que refaire tous les articles, on trouve directement. Voilà, ça vous fait un marque-page un peu important. William, quelque chose à ajouter ? Non, maintenant vous avez bien résumé la chose, parce que c'est vrai que moi je voyais ça comme ça quand j'écoutais des podcasts qui donnent des petites infos, des applications, ce genre de choses. C'est vrai que on se dit mince, dans quel épisode c'est, il faut que tu le réécoutes ou que tu vois le post sur le forum, le blog, etc. Donc là, c'est vrai que ça permettra d'avoir une petite centralisation. On va par exemple, je ne sais pas, sur acteurs de l'Internet, Google, hop, et là on a toutes les infos concernant Google. Donc c'est, ouais, ça va être super pratique pour pouvoir retrouver un petit peu ces liens, et puis même pour nous, quand on nous dit par exemple « Ah tiens, c'était quoi le site déjà ?» hop, on va pouvoir redonner facilement, plus besoin de chercher sur tous les posts qu'on a fait, tout simplement. Ouais, exactement. Voilà, on arrive au terme de ce premier épisode de la saison 2, donc épisode numéro 16. William et Lucas, impression sur ce premier live ? Très sympa. Ouais. Ça s'est finalement plutôt bien passé. Bien aimé. C'est sympa. C'est plus dur, mais c'est sympa. Ouais. Donc, finalement, on a fait à peu près une heure d'émission. Là, on est à peu près 55 minutes. Donc, on va essayer de faire ça tous les 15 jours. Une petite heure d'émission, 21h, 22h. Là, on a été un peu décalé, mais en général, ça sera ça. Dernière chose, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous laisser vos commentaires sur notre site, donc www.lesprojetsduweb.fr ou sur iTunes. Sinon, si vous voulez intervenir lors des émissions, faites-nous parvenir vos commentaires via notre répondeur téléphonique au 01 77 45 50 96 ou sur notre compte Skype, donc Les Projets du Web tout attaché. On se retrouve dans 15 jours pour l'épisode numéro 17. Salut William, salut Lucas, salut à la chatroom, salut à tous et continuez à nous suivre.